c'est reparti sur des chapeaux de roue pour un Pure Gangster Rockers en bonne forme. T'as déjà vu des chapeaux de roue, toi? Étant donné, voilà, Jérémy n'est pas venu. C'est pas Jérémy le chapeau de roue. Il est arrivé sur les chapeaux de roue. Il est revenu de là-bas, de la campagne profonde et aminoise. Picardie. La patrie de tout ça. et alors, non seulement on a Jérémy pour son grand retour, mais aussi le grand retour de Yass ce soir. Yass, salut. Ça va, salut. Je te conseille de ne pas trop faire des bisous au machin, parce que la dernière fois j'ai nettoyé Les filtres anti-pop sont utilisés par des générations de poppers. Ne pas le rapproprier trop. Par contre, tu peux remonter son micro parce que. Ouais, mais parce qu'il a une petite voix en fait, du coup il a du mal à parler. Je pense qu'il est un peu timide. Sauf quand il parle plus fort. Plus loin mais plus fort. Yass est venu ce soir, enfin en tout cas pour une demi-heure, vu qu'à 20h30 pétante tu te casses en courant honteusement. toi aussi t'es comme le président, t'as un avion à prendre? J'ai pas d'avion mais j'ai une voiture. Ça vole moins haut mais ça consomme plus de gasoil quand même, parce que la mienne est bien pourrave. Du coup je sais pas si je peux le blâmer avec son jet finalement. Si tu peux. Ah, mon diesel est pourri. Donc t'es venu nous parler de plein de trucs. Premièrement, un festival, un Funky Fest que tu organises à la Brad Cave ce vendredi après-demain. Et puis aussi la raison pour laquelle t'organises ce fest, c'est qu'en fait tu sors ton album. Exactement. Ouais. Je sors un album et du coup j'ai invité plein de copains, et puis écrire festival dedans, c'est juste pour dire que ça fait 6 groupes une seule soirée, et puis c'est l'occasion de faire une soirée un peu à l'ancienne. Où le prix de la soirée est moins cher que le nombre de groupes, avec une affiche à la con. Et ça, je trouve ça cool. Donc, c'est pas des groupes qui jouent 10 minutes? Non, c'est pas des groupes qui jouent 10 minutes. Alors j'ai essayé de recruter des groupes qui jouaient 15-20 minutes, et ils étaient tous pas là. Du coup, j'ai recruté des groupes qui jouaient plus longtemps. Et puis j'ai demandé si on pouvait faire durer la soirée jusqu'à 1h du matin, et on m'a dit oui. La bonne nouvelle. Tu nous as ramené en avant-première de la musique à toi que tu vas sortir là. Complètement, musique qui va sortir du coup samedi, samedi 6. D'accord. Mais uniquement en vinyle. On écoute quel homme de goût. On écoute maintenant, parce que nous on les écoute maintenant, ouais. Et ils sont dans le. Il y en a un qui s'appelle Shta. Alors ça s'écrit L-S-S-H-T-A-7. Parce que 7 sur un clavier en arabe, SMS, ça fait. D'accord. Oui, je crois qu'il a encore un autre nom, mais. Et ça veut dire danse. Danse. D'accord. Ouais, danse. Ouais. Tu l'as joué hier, mais on en parlera tout. Ouais. J'ai essayé de faire ça. Hier. Oh non. T'as fait des choses hier, je t'ai vu. Oh non. Pour l'instant, Yass Bodhi. Bon, j'espère que j'ai pris le bon morceau. Hein. Ouais. Allez, surprise. Shta. Shouldn't know. like that. Like that. يا روح يا سيدي. Des Verbaudets. C'était hier, oui, alors on vient d'entendre Yas Bodhi avec Star. Ouais. Danse. Super. Voilà. Ouais. Je le fais bien. Super. Voilà. J'ai déjà entendu hier, mais dans une. Mais, disons, dans une acception un peu plus punk, quoi. Tu jouais sur un parking. C'est quoi cette histoire? Parce que moi, ne comprends pas. C'est quoi t'as cette histoire de parking? T'as regardé sur spunk.org, il t'a dit. Donc, hier, il y avait le festival des Verbaudets avec quelques artistes qui se produisaient au profit des grévistes de Verbaudets, là, qui font piquet de grève depuis la 7e semaine, je crois, un truc comme ça. 7 semaine, 63 salariés en grève. Voilà. Et donc, tu faisais partie des heureux élus qui ont pu faire danser les gens ou essayer de les faire danser. Ah bah oui, j'ai été super bien accompagné avec les très très très cool Gumo qui avaient aussi beaucoup d'énergie et de présence à leur offrir. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a offert un petit concert pour remonter le moral, pour soutenir l'ambiance et puis pour réchauffer l'atmosphère et puis pour qu'il n'y ait pas que des sirènes qui fassent du bruit, quoi. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, c'était la fin de Gumo. Il y avait quelques flics un petit peu plus loin là, qui étaient là pour monter la garde, certainement, hein, de peur qu'il se passe quelque chose. Et en même temps, ils écoutaient Gumo de loin, ils avaient l'air un petit peu interloqués, quoi. Ils avaient la gueule qui pendait. C'est. En même temps, c'est bien quelque part, finalement. Faut familiariser toutes les oreilles. Finalement, ça reste un peu des auditeurs quelque part. Peut-être qu'ils peuvent s'oublier 2-3 minutes quand ils n'entendent pas la radio, enfin la cibie à l'intérieur et les blagues de bof des collègues. Ouais, tout à fait. Et donc, autant Gumo, ça a pu, laisser froid toute une partie de l'auditoire. Autant toi, il y avait quand même du monde qui avait l'air de plus apprécier, qui était plus branché funk, et puis t'as fait des trucs guitare slide aussi. Ouais. J'ai profité du fait qu'on était dehors pour jouer à un volume super élevé. Et du coup, ça donne avec... quand on utilise un objet pour faire slider sur une guitare, ça sonne très très bien avec une disto et du coup là... Quel objet t'as utilisé? Un smartphone. Ouais. Ça va, il a survécu? Bon écoute, l'obsolescence programmée n'est pas prévue pour ce genre d'utilisation, du coup ça va, c'est cool. Non, parce qu'à un moment tu l'as... il t'a échappé des mains, je pense. Enfin, de la main. Jeté, ouais. Tu l'as jeté, ouais. Ah, bah oui. C'est un acte manqué. Hein, pour petit téléphone. Oui, c'est... Comment dire, je passe suffisamment de temps à le regarder pour... réussir à défaut l'oublier en un clin d'œil quand je joue. Donc on aura droit à la Bratkev ce vendredi. On aura droit c'est samedi. Samedi. Pourquoi je dis vendredi? C'est samedi. Oui. J'aimerais qu'on se voit. Regarder sur Spunk.org, c'est marqué. Ouais. Merci. Un partout, ballot sans. J'y vais de suite. Bisous. Ça sera un son plus proche de ce son brut que nous avons entendu sur le parking de Verbaudet ou ça sera plus proche de ce qu'on vient d'entendre juste avant là, qui est du studio? Ce sera plus proche de ce qu'on vient d'entendre jusqu'avant, probablement. Après, je suis jamais à l'abri d'un peu énergiser le truc parce que c'est un peu la façon de faire que j'ai depuis que je me suis dit que la musique était un truc que j'aimais bien faire quotidiennement. Mais ça va se rapprocher plutôt d'un format, c'est un format groupe. Donc il y aura du monde avec toi. Parce que là, hier, t'étais tout seul. Ouais, pour juste expliquer rapidement ce groupe, je l'ai commencé tout seul pendant le confinement en Martinique en me disant, tiens, je vais monter un projet, je vais écrire plein de morceaux. Je me suis monté un cahier dans lequel j'ai écrit 99 chansons. Ça va. Voilà. Bon. Et je me suis dit, j'ai 99 morceaux, c'est super, je vais monter un projet comme ça, je vais te proposer à des gens de le jouer avec moi. Ce que j'ai fait. Et du coup, l'ayant proposé d'abord à deux personnes qui j'ai joué pendant un petit moment, puis qui en fait n'avaient pas trop le temps de faire ça, je les ai proposés ensuite à d'autres gens. Les copains de Merville avec toi ou quoi? Bah, notamment, ouais. Notamment, maintenant, c'est aussi un peu les copains de Merville. Du coup, il y a ces deux gars-là, mais il y a d'autres gens aussi. Tu joues aussi dans Merville. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Quand on joue plus trop ensemble. Ouais. Ouais. Et donc ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai commencé tout seul et puis j'ai proposé progressivement à des potes de venir jouer. Et en fait, très récemment, je leur ai tous proposé de passer dans un même local de répète. On a fait des photos et puis on a commencé à confronter les différentes façons qu'on avait de jouer les morceaux les uns avec les autres. Ce qui fait qu'au final, il y a plein de line-up pour la même musique. C'est un groupe qui a un projet, joue un répertoire de 99 morceaux à un bout d'un moment. Bon, pour l'instant, il y en a sorti 15. Ouais, voilà, les 99, tu peux faire 6-7 albums avec. Ouais, carrément, j'espère les écouler vite parce que j'ai pas envie de passer ma vie à faire ce groupe-là, quoi. Mais du coup, ouais. Tu vas faire un triple ou un quadruple pour battre Clash? Bah, en fait, ouais, l'idée, ce scud-là, en réalité, déjà, c'est un album d'1h15, il y a 15 titres, mais en réalité, c'est la face A. C'est juste que ça rentrait pas sur un vinyle et que j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'autre. Du coup, la phase B, elle arrive l'année prochaine. D'accord. Et, c'est, okay. Voilà. Et ça sera aussi sous le nom de Yas Body. Ouais. D'accord. Ok. On en réécoute un autre ou tu veux passer autre chose parce que t'as ramené aussi des disques. Moi, je peux vous faire écouter d'autres trucs qui peuvent être cool, qui sont un peu des influences. Attends, on n'a pas dit qui va jouer et puis moi. Ah ouais, ça samedi. Samedi qui n'est pas un vendredi. Oui. Allez, vas-y. Samedi le 6. Il y a des copains à toi, je suis sûr. Ah ouais, complètement. Ouais, bah j'ai proposé à pas mal de copains qui sont pas tous du coin. Il y a les Parisiens de Le Whistling and the Bombs. Ah, oh, c'est bien ça. Ouais, c'est clair, des copains qui sont déjà venus une paire de fois jouer à Lille, qui ont un concept un peu à mi-chemin entre le punk rock et un truc pop assez anarchique où ça jump un peu devant, un peu façon, ça me rappelle un peu l'ambiance qu'on faisait avec Psychocondriac. Très de front comme musique, quoi. Vraiment très très cool. Et guitare, basse, batterie avec des claviers, quoi. Et avec une chanteuse. Et une chanteuse aussi, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est important à dire. Parce que... c'est un duo chanteur-chanteuse. On essaie d'arriver presque, autant que possible, à passer beaucoup. Ouais, presque à la parité, quoi. Mais c'est difficile, hein, des fois. Il faut faire attention, ouais. C'est cool. C'est pas une mauvaise idée. Et sinon, il y aura qui? Il y aura aussi. Alma Out, c'est un breton de Douarnenez. Vous avez peut-être déjà vu au concert Trempé il y a 2 ans, il me semble, maintenant. Sur la barque. Tout à fait, sur la barque. Et qui un one-man band électro-buccal. C'est-à-ire que cet homme-là a pour façon de faire de sampler en live des instruments qu'il a devant lui, plus rappé par-dessus dans des langues que le commun des mortels est difficilement à même de deviner ce que ça veut dire, mais par contre vous comprenez très très bien le flow, quoi. Il y a un truc un peu entre Puppet Mastaz et les Beastie Boys dans un seul gars, quoi. C'est incroyable, franchement. C'est ça tombe bien, j'ai rien à faire. Ça la première fois qu'on l'a vu, c'était dans un festival où on jouait avec Psychocondriac. On est tombé sur ce gars-là qui faisait un set qui ne s'arrêtait jamais parce qu'il ne pouvait ne pas s'arrêter et les gens l'encourageaient vraiment, quoi. Et du coup on a c'était vraiment vraiment c'est une super un super truc à découvrir. Et donc là il va faire un set qui va durer 1h, 2h, 3h. Bah, du coup il est trop victime de son succès, à force qu'on répète ça, il est là, non mais s'il te plaît mets-moi pas 1h30 du matin, je vais encore être à 1h30 du matin. Donc il passera sans doute plus tôt, ouais. Et ce sera sans doute moins long, mais par contre ce sera très très intense, c'est toujours aussi cool. De toute façon à la braquette, tu peux pas commencer à 1h du matin, hein. Il a déjà fermé les volets. Il a balayé, hein, ouais. Il a rangé le placo. On va faire condenser pour faire passer tout le monde dans les meilleures conditions de durée et de qualité. Voilà. Sinon, il y aura aussi du fusion. Ah bah ouais, il y a les troncs. T'as sorti les vieux. Ah bah ouais. Sorti les papis de. Alors, Ah bah je cite. J'ai reçu un message un jour qui m'a dit si tu veux, il y a les clochards qui sont là pour venir jouer. J'ai dit ah ouais. Et moi, je suis quand même très très fan de troncs. Les clochards. Ah ouais. Bah ils ont des façons de s'appeler entre eux comme ça qui sont un peu rigolotes. Et je leur fais des gros bisous aux troncs. Et ouais, les troncs, c'est pour ceux qui savent pas, c'est si vous ne sachez pas, c'est un groupe de fusion. Très très qualitatif, j'ai envie de dire, ça joue super bien. J'avais peur de ce que tu allais dire, je sais pas, mais finalement tu dis qualitatif, c'est bien. Oh, c'est complètement neutre et qualitatif. Oui, Tronc, c'est neutre et qualitatif. C'est génial. C'est de la grosse fusion funk metal. Bon, okay. On va dire. Oui, donc ça reste funky quand même. Ah ouais, ouais, ah, oui, complètement, ouais. Carrément, ouais. Ouais. C'est un peu lillois, c'est un peu boulonné. Du coup, oui. C'est un peu la teuf. C'est un peu la teuf. Je pense que c'est carrément la teuf. Hein. C'est le meilleur des deux mondes, ouais. C'est tous des marins, Douarnenez, Boulogne, tout ça. Enfin, je veux dire, ils balancent des poissons fumés dans le public. À la mer, ouais. Mais je sais pas encore comment tout ça va se passer. Faudra venir pour voir, mais. A priori, il y aura aussi Eastern Thread, Le duo, voilà. Un trio maintenant. Un trio maintenant, parce qu'il y a Guillaume des Merville et de Guys qui est venu les rejoindre au clavier. Donc maintenant, ils ont un clavier basse. Ouh. En plus duo Sacha guitare et puis oulala, j'ai un trou de mémoire du copain. J'ai beaucoup de trous de mémoire en ce moment. Je travaille trop. Simon à la batterie. D'accord. Et du coup, ça donne un trio très très cool aussi qui fait un espèce de grunge. Un genre de grunge avec des morceaux très très bien écrits. Mm-hmm. Qu'on n'oublie pas très vite. Et en dernier, il y aura un groupe imprononçable, c'est ça ? Mais ouais, complètement. Mm-hmm. Mis à part, il y a ce body que j'ai cité. Il reste, j'en ai oublié un. Ah oui, oh, il y a Crimson. Ouais. Il y a Crimson. Ah oui, bah Crimson. Rien à voir avec King Crimson. Ah, mais rien à voir avec. Moi, je veux bien boire, sinon, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec King Crimson. C'est pas du tout. C'est beaucoup moins progressif et beaucoup plus hard rock permanenté, quoi. C'est un jour, on m'a dit, viens, il y a Motley Crue à la mule solo. Et j'étais là, ah ouais, sérieux et tout. J'étais là, oh cool. Et je suis allé voir. Et puis, du coup, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment Motley Crue à la mule solo. Permanenté, ils ont une choucroute. Ils sont. Alors, clairement, le premier truc qui tape à l'œil quand on les voit, c'est qu'ils sont lookés de ouf quand ils jouent. Ouais. Et que du coup, c'est quand même un style qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. C'est New York Dolls ou quoi? C'est Motley un peu. C'est un peu Motley Crue, mais c'est. Ouais. Après, c'est vraiment caricaturé et ramener à ce truc, mais ça reste un jeune groupe qui sait faire des gros riffs et puis qui a vraiment une énergie vraiment intéressante et puis qui sont fiches, ils veulent faire ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est cool, quoi. Ah bah il faut, hein, tu sais, permanenter Motley Crue, faut vouloir faire clair. Ce qu'on veut. Puis des invités comme ça fera pas une soirée de trentenaire, c'est cool, ça changera. Oui, ils sont jeunes. Si je viens, ça sera pas une fois de trentenaire. Moi, j'arrive dans une salle, la moyenne d'âge, elle monte de 10 ans. T'imagines, on arrive à 2, c'est fini, mais on est bon pour la pré-retraite. Ah, mais bon, vu que Facebook fait des réseaux tout le temps, j'invite des gens, il n'y a que des trentenaires qui répondent. Alors, donc je vais explorer des groupes plus jeunes. C'est vraiment à partir de 18h ou ça commence un peu plus tard? C'est les portes ouvertes à 18h30, les concerts commencent à 19h. Okay. Il ouais. y aura aussi des DJ. Ah, il y aura des invités? Il y aura complètement des invités. Ouais, il y a quelques copains qui viennent jouer des rencontres récentes, comme une amie clarinettiste qui s'appelle Masako, qu'on salue. Et puis aussi DJ Stamif. Puis après, il y a d'autres gens jouent dans Yes Body. Je joue avec deux gars, basiquement. C'est Rock de Roubaix et Guillaume Zarman, parce qu'on l'appelle Zarman maintenant depuis qu'on est parti tourner au Maroc avec lui il y a quelques années, pour des raisons. Une anecdote à la con. Je peux le raconter, on est ouais, à peine, personne ne la répétera. Bah, quand on est parti tourner la première fois au Maroc sur un coup de tête, on est parti faire 7-8 dates pour aller jouer au festival Artzazat avec un groupe de funk. On a fait un festival de hardcore dans une vie parallèle il y a quelques années. Ouais. Et t'étais là-bas, c'est bien. Ah ouais, complètement, on est allé là-bas. Et puis d'ailleurs, je les salue si jamais ils entendent ça. Tous les copains du Maroc et tous les groupes qu'on a croisés là-bas. Et Guillaume, à l'époque, était plutôt jeune. Il me semble qu'il avait 17-18 piges. C'était un de ses premiers groupes. Et il arrêtait pas de dire genre tout le temps. Sauf que genre, en arabe, ça se dit Zarma. Et du coup, Zarma, c'est devenu Zarman. Le mec qui disait tout le temps genre. D'accord. Voilà, c'est que ce surnom est resté. Et on était parti d'ailleurs avec DJ Stamif là-bas, qui fait partie de cette soirée. Comme il a fait partie de ce voyage. Où on n'enregistrait pas de musique qu'on n'a jamais diffusée, mais qu'on a toujours dans les tiroirs. Et donc, on répète, c'est pas cher. 5 euros. 6 euros si tu. En plus, tu dois payer l'adhésion. L'adhésion à la Bratkev, qui est un club privé. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est pas cher, quoi, je veux dire. Ah ouais, non, c'est. My Funky Fest. Oui, c'est ça. Oui. C'est le numéro 1. J'ai bien vu qu'il y a un hashtag 1, My Funky Fest 1. Donc, il y en aura plusieurs autres. Ouais, complètement. Bah, vu que je sors je vais sortir plusieurs albums et que, en fait, je trouve que ce concept de soirée est un peu cool, je vais reproduire l'expérience en modifiant un peu les formats. On a déjà un concept de base d'affiche, on va le décliner. On a une idée de soirée un peu qui est en train de se développer, où l'idée c'est de faire une soirée qui soit accessible en prix aussi pour que tu puisses te payer ta place et d'aller boire un coup facilement. Et puis, à voir, en fait, ça répond vraiment à une idée comme ça, ce fest. Je m'étais dit, j'avais envie de monter une soirée. Ça fait longtemps que j'avais pas organisé un truc un peu conséquent en taille. qui soit un truc qui me répond à une idée que je me fais depuis la sortie du Covid, c'est que le budget sorti des gens, il s'est reconverti dans un budget Netflix, Spotify et plein de trucs qui sont des palliatifs. Parce que il y en a aussi plein et c'est un peu plus dur maintenant qu'avant. C'est vrai et c'est tout aussi vrai. Mais quand on discute avec les gens, je me rends compte aussi que pour sortir c'est de plus en plus difficile et qu'il y a tout un truc de j'ai perdu l'habitude de sortir et de conscientiser mon budget de sortie, ce que tu peux faire sur de nombreuses années quand t'es lillois notamment. Et là pour le coup, du coup, l'idée c'est un peu de ça part un peu de cette idée-là. On va faire une soirée pas chère. Moi je voudrais aussi qu'il y ait de la bouffe aussi et que à vraiment pas cher en plus à dispo et du coup. Du coup, je me suis lancé dans un couscous, ça y est, je le dis, je me suis lancé dans un couscous, j'ai acheté 10 kilos de semoule. Il y a de la harissa ou quoi? Ah, il y a de la harissa. Moi, s'il n'y a pas d'harissa, je ne viens pas. Non, mais c'est beaucoup trop DIY, je me suis lancé beaucoup trop d'objectifs. Je te conseille d'aller à Collier, sur la place de Collier, il y a un petit magasin, il s'appelle Ch'ti Prix. Ah ouais, ça existe encore. Ah, j'ai mis le filon pour le soir. Il y a de la harissa pour 1 euro, les 4, je crois, un truc comme ça. Bon, pendant qu'on parle de bouffe, on va quand même passer de la musique, parce que là, ça fait 10 minutes plus de 10 minutes qu'on cause. Et bientôt, ouais, tout à fait. Dans 8 minutes, t'es censé partir. Mais en fait, on va fermer la porte et il y a un verrou. On va parler un petit peu. Allez, musique, tu voulais passer encore quelque chose, Odervas, Odervi, Odervan? Ouais, j'ai 2 trucs à. Il y a un truc qui est cool qui s'appelle Fadoul, qui est sur avec les USB. C'est du funk des années 70 marocain. C'est des 2 premiers morceaux que je sors de cet album. Il y en a quelques-uns qui sont influencés par le Maroc 70s. Et c'est parmi les 2 que j'ai ramené avec moi. Mais du coup, parmi ces influences-là, il y a Fadoul, qui est un gars qui a pas du tout passé les barrières de l'Europe avant. Avant, il y a quelques années, qui a été ressuscité par un label berlinois qui s'appelle Habibi Funk. Ouais, d'accord. Fantastique. Ouais, et qui correspond en fait à des redécouvertes dans des bacs à vinyle, mais de trucs en fait qui ont en fait été transmis plutôt de musicien à musicien, mais qui ont. Il y a des groupes comme ça qui repassent, dont on reparle parce que les gens font des reprises, mais pas trop de gens ont pensé à faire des reprises de ça. Il y a éventuellement Rachid Taha, qui un jour, qui j'ai eu l'occasion d'en parler, qui connaissait ce mec-là, mais à part moi et lui, je connaissais pas. Moi, j'ai trouvé ça par hasard au Maroc, où on en a parlé il y a très longtemps. Voilà. C'est cool. Non, ça passe pas. Non, ça passe. Il veut pas. C'est du wave. Il y en a 2 normalement. Il y a 2 MP3. Et ça y est, le deuxième. Allez, je cherche. Fortune. Tout au long du chemin. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers. Vous l'entendez vu qu'on merdouille avec. Et pour une fois, c'est pas moi qui merdouille. Donc voilà quoi. Allez, Jérém, c'est Radio Campus 106,6 jusqu'à 21h PCR. Pour l'instant, c'est Yass qui essaie de nous faire découvrir sa musique et ça passe pas. Trahi. Et tu l'as pas aussi sur un. Tu l'as en CD Sur un CD. J'ai autre chose sur un CD. Ah. C'est algérien là, pour le coup, c'est pas marocain, mais tu peux essayer. Allez. Moi je veux bien, je préfère le Maroc, mais c'est une question d'ascendance. Moi je vous propose d'écouter le morceau ULED. ULED. Les enfants. Et puis on vous prépare la suite derrière. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me va. Allez, c'est parti. Ça part pas. Il part pas. Après, pas de podcast. Ça commence doucement, c'est pour ça. Encore des artistes qui mettent des blancs au début. عثرت في الدار وسكوت برا Fade out. Ouais, le blanc au début aime. De la musique, c'était déjà de. Comment, de qui déjà? Yes Body. Ou LED. Ah, c'était toi là, oui, d'accord. Ah, putain, ah, c'était aussi de toi. Oui, parce que là, on essayait de passer je sais plus qui. Fadoul, voilà. Avec son morceau Wazi Drebed. Wazi Drebed. Ça veut dire. Comme il dit, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais on n'a pas réussi. Oui, j'avais promis sur le réseau social qu'on allait passer du punk islandais, mais ce sera pour une autre fois, je pense. De toute façon, vous l'avez sous la main, là, maintenant. Ouais, ouais c'est vrai. tu peux le faire. Et là, je sens que tu piales d'impatience, tu devais partir à 20h30, il est déjà presque 31, on va encore te séquestrer pendant une minute ou deux, le temps de passer Fadoul. Ah bah, ça s'appelle Pyongyang City Rockers, ça s'appelle pas Pyongyang City Rockers. T'es là, t'es dans un camp, hop, double tour, bim. Voilà. Bon, Yas, donc on rappelle avant que tu te sauves et avant de passer à ta dernière musique, je pense, parce qu'après tu vas devoir te barrer, que My Funky Fest numéro 1, c'est pas vendredi, c'est samedi, à la Bratcave à partir de 18h. 18h30, les portes. Et puis il y aura plein de gens. Et puis si vous cherchez la distribution et la sortie de ton album, vous cherchez la distribution de ce festival, eh bien vous pouvez vous brancher sur chpunk.org. Voilà. On vous dira que c'est samedi. Ouais, c'est samedi. J'ai vérifié. Ouais. Bien écrit sur Et Fadoul, il raconte quoi alors? Fadoul? Ouais. Alors Fadoul, qu'est-ce qu'il raconte? Le morceau dont on parlait, en tout cas qui est sur la clé, c'est Kelmness, un truc comme ça, c'est les paroles des gens, c'est les bavardages. Je pense que ça veut dire ça. C'est ça qu'on fait ici. C'est tu nous le dédies alors. C'est quelque part, je vous le dédie complet. Ouais. J'ai pensé à vous en cherchant tous ces morceaux-là. Ce morceau pas. Oh, merci. Ouais, trop bien. Ouais. On est heureux comme des papes. Ça fait plaisir. Pour vous? Bah non, je peux pas, c'est le morceau qui passe pas, je vous rappelle. Bah non, on peut en parler autant. Il y en avait un autre qui marchait. Passait. Attends, c'est quoi ce bordel? Tu peux me tuer. On peut toujours écouter, par contre, Kalam Al-Nas. C'est ce que je dis, c'est bavardage. Mais du coup, c'est pas Fadoul. Non. C'est Fadoul. C'est Fadoul, mais c'est un autre morceau de Fadoul. C'est un autre morceau de Fadoul. Fadoul, c'est le nom de l'artiste, en fait. Oui, non, mais... Comme on dit, hein, étiquetez bien vos chaussettes. Oh là, pour une fois que c'est pas moi qui étiquette. Rendez-vous samedi pour voir Yasbody, Louis Ling and the Bomb, Tronks. Il y a pire que Tronks, Audrey, c'est bon. Qui. Et puis je sais plus quoi, ouais, Elmaou, Eastern Trade. Eastern Trade, ouais. Si bon, quand même, Yasbody. 5 euros au milieu de la soirée. Et il y aura du couscous. Vegan. Ah bah ouais. Ouais, tout le monde puisse manger couscous vegan. C'est parti. كلام الناس كله صعيب كله رهيب مالي مالي هطبها بكلام الناس واش تدير بكلام الناس واش تدير يعطوك الناس يتكلموا كتير بكلام الناس واش تدير بكلام الناس ما كاين إفادة بكلام الناس الهم كتار بكلام الناس الكل يسهر بكلام الناس ما تربح والو بكلام الناس ترجع مهول الراس رجع الزمان وعادة عيش إنسان لا تفكر كتير يضحكوا عليك وترجع كبير بكلام الحباب بكلام الحباب ولا جاشي مسكين الله يجيب الله يجيب الله يجيب والله يجيب الله يجيب والله يجيب الله يجيب والله كتر الحنان وعذاب الفنان قلب مريض طبيب ليه عريض صهير صعيب والعمل يا طبيب. Il est bien avec nous. La bonne compagnie, t'as vu, vous êtes bien à l'écoute de Campus 106,6, c'est l'émission Pyongyang City Rockers avec Yas qui veut rester quand même, t'as vu, tu veux rester un petit peu, ouais. Je sens qu'en fait tu vas rester jusqu'à la fin parce qu'on est bien. Allez, tu voulais pas nous passer du rock'n'roll islandais, c'est ma déformation, moi la Finlande. Volontiers. Mais tu voulais passer quoi? Vas-y, dis. Ton morceau préféré dont tu nous disais tout à l'heure. Morceau préféré. Le préféré de la préférence. Ah oui, c'est Catcher Coming par Bara Flokurin. Je pense que ça se prononce à peu près comme ça. Mais c'est Catcher Coming. Alors tu nous as rapporté du punk islandais, mais il faut quand même que tu racontes un petit peu comment t'as chopé ce disque. Eh bien, j'ai chopé ce disque. Tu l'as pas eu au CD? Ah non, je l'ai eu à Reykjavik dans des toilettes publiques. Voilà. C'est mais des toilettes particulières. C'est quel numéro? Le numéro de quoi? Des toilettes. Bara Flokurin. Ah, c'est la 5. Il n'y a pas de numéro aux toilettes. Ah, c'était juste 5. Dans les couloirs. C'est un gars qui a créé un musée du punk dans des toilettes publiques à Reykjavik. C'est dans lesquelles mal. Je suis rentré un peu par hasard, vu que j'étais un peu là par hasard. Ouais. Ouais, du coup pas du tout. C'était un musée avec des photos de Led Zepp à l'intérieur et tout partait un peu autour de la période des années 70, mi-70 et puis exact. Non, c'est la 5 de la face B, pardon. Du coup, ça fait. Ah la... bah ouais, du coup, c'est la 10. C'est un CD mais il y a deux faces. Ouais, c'est un vinyle mis sur un CD pour que ce soit facile. Ouais. Et du coup, explorant ces toilettes et ce musée, en arrivant au bout de ce musée, il y avait une batterie. Mais c'est un vrai musée dans des vraies chiottes. C'est un vrai musée dans des vraies chiottes. C'est des chiottes qui sont retapées sur les murs avec des grands aplats, avec des écrits dessus et des photos de groupes. T'imagines faire ça en France, c'est impossible, quoi, je veux dire. Et en Islande, ça marche. Et mais c'est assez rigolo parce que du coup, c'est souterrain, quoi. Donc en fait, c'est des toilettes souterraines. Tu arrives, en fait, un escalier qui descend, t'arrives et en fait, t'es dans un musée. Et tu fais, ah ouais, ok. Et à part Led Zepp, il y a des trucs. Ah ouais, bah ouais, il y avait. Dans les trucs que je connaissais, qui m'ont marqué, je me rappelle avoir vu. Je me rappelle avoir vu le premier groupe de Björk, là, Petit Caras. Ouais, exactement, ouais. Tu le dis ou vachement bien. Kaukael, ou bien. Enfin, ça, c'était le deuxième. Ouais, c'est le premier, ouais. Avec des vidéos à la clé, et puis quelques groupes comme ça que je connaissais pas du tout. Et du coup, en faisant un petit tour progressivement, on voyait un petit peu l'apport du blues rock sur en fait un mélange avec une musique insulaire et puis l'espèce de crash qu'il y a eu avec le punk au même moment et qui a fait que ça a donné toute une série de groupes qui ont fini sur cette compile là quoi. Et à la fin de ce musée il y avait une batterie et une guitare posée pour que les gens puissent l'utiliser et du coup j'ai joué un morceau avec un gars que je ne connaissais pas et on a joué Sniff Some Glue des Ramones c'était super rigolo et du coup le mec est venu et il a fait ah mais c'est trop cool et tout, on a discuté, il m'a demandé des noms de groupes lillois, je lui ai écrit sur un carnet les noms de groupes lillois de punk que j'aimais bien et que je connaissais il m'a filé cette compile en échange. T'as Jody Foster? Ah bah oui. même à l'époque c'était déjà des stars. Ouais, t'as vu. Je me suis dit, ah, ils vont être connus. Et donc, en échange, tu as filé le disque. Exactement, il m'a dit, tiens, t'écouteras ça. Et je suis rentré à Lille dans Merville, on s'est mis à refaire des reprises de ce groupe-là, sans vraiment le dire, parce que de toute façon, personne ne connaissait. Et on adorait ça, on écoutait ça en bagnole, en boucle. Quoi. En fait, notamment Merville, c'est ce groupe-là. Donc, en fait, Merville, ouais. C'est que des plagiats de groupes islandais. Ouais, grave, c'est clair. En tout cas, on a passé un certain temps à les apprendre et à les rejouer, parce que ça nous faisait marrer, les morceaux sont frais. Tu as gardé le contact avec ce fameux gars là? Ouais. Ouais. Donc, et d'ailleurs, il sera au fest numéro 2. Ok. Bon, on peut peut-être dédicacer ça, parce que c'est bien quand même. Ça y est, là, le titre numéro 16, qui est le cinquième de la phase B du CD. Sorti en 2017 à Reykjavik. Trop attention, bien. Vous avez suivi. Ouais. Qui s'appelle? Attends, je vais essayer de le faire. Attends, mais c'est écrit trop petit, là, tu sais, moi je suis vieux. Prends tes verres progressifs. Oh, c'est le cinquième, là? Ouais, attends. De la phase B. Attends, j'ai des. Ah, mais bon, c'est encore pire. Attends. Le morceau, c'est Catcher Coming. Quoi, Catcher Coming? Ah, ouais. Bon, bah d'accord, on connaît une transfusion. Attends, A, B. Le cinquième de la phase B. Oui. T'as Petit Caras. Exactement. Et quand tu regardes le titre du morceau. Screed. Ah, c'est que c'est pas le cinquième, je serais mieux que moi aussi. Non, ça c'est le sixième. C'est votre soirée avec la difficulté à trouver le bon morceau. C'est le morceau numéro 6 ouais, de la phase oui, voilà, c'est Bob Flokurin. Exactement. Ouais, voilà. Vous avez bien noté. Mais tout à l'heure, je te dis que c'est le 6, et il me fait non. Non. Si, c'est le 6. Mais moi, je te dis le 6, c'est le 6. Ah, ok, c'est toi qui sais. On l'écoute, et peut-être qu'on va l'arrêter, parce que c'est pas le bon. Si, c'est ça, mais si, c'est ça, bien sûr. Allez, vas-y. Allez, quoi. Chers auditeurs, vous y croyez, merci, vous cher. Aussi. Tout de suite, on écoute. Le morceau Catcher de la Coming. Le fameux morceau. Allez, il y a que sur Campus que vous pouvez entendre des trucs d'une telle qualité. Allez, vas-y. Dédicace à Somerville pour ce morceau. Et bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. Dernier appel, samedi, à partir de 18h30, ouverte des portes de la Brad Cave pour assister au Funky Fest, avec plein de groupes bien, dont Yas qui présente son premier album, normalement une série de 6, c'est ça. Donc dans 10 ans on y est encore. Ah non, dans trois, c'est fini. Faut que ce soit voilà, fini en trois. Voilà. Et sinon, il y aura plein de groupes bien, Louis and the Bomb, Bombs. Elmao, Tronk, Eastern Trade. Ouais. Voilà. Et du couscous. Et Crimson. Et Crimson. Et le couscous avec et Larissa DJ qui va bien. Et DJ Stamif. Et autres, il y en a d'autres aussi, DJ. Oui, il y en a. Et il y a des invités spéciaux. 5 euros, boum. Merci. Eh bien, merci Yas d'être passé, d'être resté 13 minutes de plus. Putain, c'est beau. T'as vu, on a réussi en à le choper. En même temps, tu resterais un quart d'heure de plus, tu ferais la fin de l'émission. Ouais, et c'est vrai. 13 minutes 12 de plus. Et tu sais que, bon, c'est pas le lundi que tu détestes, c'est le capitalisme. C'est ce que nous disent... C'est ce que nous disent Hang Hughes en néerlandais dans Yohat Tren Mandak et Yohat Capitalisme. Oui. Le problème avec ton taf, c'est que tu n'y vas pas parce que t'en as envie. Il y a des jours où ça te plaît, mais t'es obligé d'y aller tout le temps. Tu ne détestes pas les lundis, tu détestes le capitalisme. C'est leur refrain. Hein. Ils font comme ça. Et bref, c'est Hang Hughes. J'avais envie de passer juste aujourd'hui entre deux ponts pendant lesquels on ne va pas travailler un lundi, mais où on continue de détester le capitalisme. Titre que je dédie à ma petite sœur qui a son anniversaire aujourd'hui et qui elle aussi, malheureusement, comme tout le monde, est obligée de travailler pour le capitalisme, lundi. Que ça soit le lundi ou les autres jours de la semaine. Hang Youth, que je te dédie à toi Laurence, you had hen mandar, you had capitalisme. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat. Soms is het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. j'avais un micro ouvert un jour. Oui, oui. Il est toujours ouvert ce jour. Ouais. Mets ton casque. Alors, je mets mon casque et je m'en félicite. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On vient d'écouter Savage Beat et le morceau A New World Beat. Ouais. Oh, tout ça pour que je redise le la mot. La dernière fois qu'on m'a dit beat. Ça. Tu voilà. étais là. Et donc, j'ai adoré ce dernier 5 titres sur un format 12 pouces pour plus de largeur, de saveur, de son. Pour à la prochaine, Yass. Tu reviens à samedi, Yass. Avec de la musique bizarre. D'accord. Bisous, ouais, Yass. À samedi. Et à samedi. Et donc, Savage Beat, New World. Oui. N'oublie pas ton fly case de la star. Ouais, parce que merci tu... JJ. Ouais. En plus, il vient ici et pof, il repart avec un fly case. C'est clair. Oh, je reviendrai. Tu sais que l'émission est finie dans 10 minutes, tu peux rester. Hein. Foutu pour foutu, reste avec nous. Et donc Savage Beat, vous saviez que c'était un groupe d'Amsterdam? Non. Non. Et mais vous saviez que ce groupe, il oscillait entre le punk, la oi, le glam et tutti frutti? Là, ça, on l'a entendu, ça. Un petit côté hard rock. Hein, ouais, côté glam, ouais, glam. Et donc, vous saviez que cette espèce de EP sort de leur cerveau productif de pendant le confifi? Encore? Mais oui, mais oui. Ces gens qui ont des idées pendant le confinement. Ils mettent quand même du temps à pondre ça, du coup. Ça dépendait des labels le temps que ça sort, parce qu'il y a eu plein de trucs, il y a eu un peu bourrage papier de sortie de disque à un moment donné. Ah, bourrage papier. Bah ouais. Puis à un moment donné, il y avait plus trop de matière non c'est plus pour. Bourrage vinyle en fait. Pour hein, imprimer, ouais. Exactement, voilà. Pour oui, imprimer oui. les vinyles. On vous rappelle hein, les délais de pressage de vinyle. Hein, ah, ça va plutôt, mieux quand même. Oui, on est sur quoi? Du 9 mois là? Un peu moins, ça dépend des. Là, je crois que ça, ouais, ça a un petit peu. On est sur du 3 mois voilà. Là. Je... Mmh. Mais il y a des groupes qui arrivent encore à sortir leurs disques en 3 mois à peu près. Mais il y a encore le bac qui a traité. Là. Scraps, par exemple, ça va sortir normalement à la rentrée. Oui, mais parce ça que... Ça fait un an qu'ils ont fini leur mastering. Je ne dirai rien. Et donc, Savage Beat, vous saviez qu'ils parlaient de la gentrification de leur ville et de l'anéantissement des lieux de fête et de lieux de rock'n'roll par les politiques en puissance. Et donc, ils expriment leur haine du nouveau monde. Post-Covid et du capitalisme. Et du capitalisme tous les jours et les lundis, en réaffirmant appartenir à l'ancien monde. Et oui, en ce qui concerne la culture, en tout cas. Ouais. Hein, voilà. Et donc, Savage Beat, c'est 8 EP et singles, un album, plusieurs labels en puissance, mais le bien connu Rebellion Records, qui revient à plusieurs reprises. Oui. Voilà. Bravo. Donc moi j'aime bien ce petit nouvel opus qui est fraîcheur dans mes esgourdes. Bon bah moi j'ai pendant ce temps-là une bonne nouvelle et une mauvaise. Je commence par la bonne. Oui. Donc en fait les Israéliens, j'ai deux bonnes nouvelles en fait. C'est les Israélo-Espagnols de Katson Latevar que j'ai déjà passé ici il y a un an et demi. Ah, ils ont sorti un album Void genre avant-hier le 1er mai. Boum. Hein, pour nous manifester là. Et ben eux ils sortaient un album. Hein, ils ont pas eu deux pieds dans le même sabot. L'album est disponible sur leur Bandcamp et en même temps ils vont faire bientôt une tournée européenne. Deuxième bonne nouvelle, ça sera fin mai début juin, chance. Mais malchance, et oui ça c'est la mauvaise nouvelle qui arrive maintenant. Ils n'iront qu'en Allemagne, en Tchéquie et en Slovaquie, le moins loin d'ici. Je dis pas le plus près parce que le moins loin d'ici c'est Halle an der Saale. Donc déjà dans l'ex-Allemagne de l'Est. Hein. Voilà, on leur en veut pas quand même parce que c'est des gentils garçons. Et on envoie le premier titre de cet album tout de crust et de noirceur fabriqué. Cet album s'appelle, alors je vais essayer de le faire parce que l'hébreu c'est encore pire que l'arabe, que l'islandais et que le japonais. Enfin Atrenam, ce qui signifie il n'y a pas de haine gratuite. Un capital conséquent et d'importantes ressources sont investies dans le but de diviser le peuple. Il n'y a pas de haine injustifiée. Voici Katson Latevar. We'll be right back. C'est bien, hein. T'es en train de se dire, ce serait bien de le voir au Pitz ou au BNR. Ouais, voilà, BNR, Pitz, c'est exactement ce genre de groupe qu'il faut faire passer là. Ouais, boum, hein, bon. On va leur envoyer un email. Ouais, peut-être, mais pas cette fois-ci, parce que leur tournée, là, c'est complètement à l'est, c'est tout. Il nous reste 4 minutes, ouais. Donc peut-être c'est le moment de passer quelque chose. Bah ouais, moi je vous propose d'écouter un extrait du dernier Homefront, qui est un duo canadien qui officie dans un mix punk, new wave, indie pop, rock. Un premier EP qui a été sorti en 2021. Et puis bah là, fraîchement démoulé, le dernier album démoulé en mars de cette année. Exactement. Le titre Nation sonne davantage rock punk UK que le reste de l'album. Et l'ensemble sent bon les années 80. Et c'est bien quand il fait chaud, ça rafraîchit. T'as connu les années 80, c'était bien. Hein. Ah ouais, non, c'était bien. Il n'y avait pas de concert. Homefront Nation. Et on vous dit c'est tout. On vous dit bisous. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on n'oublie pas. C'est AB. All colors are beautiful.